Je me suis tellement habitué ces jours derniers à détacher mon esprit des sens, et j'ai remarqué si précisément qu'il y a très peu de choses concernant les choses corporelles qui sont vraiment connues, et que j'en connais beaucoup plus à propos de l'esprit humain et plus encore à propos de Dieu, que maintenant je détournerai sans difficulté ma pensée de toutes ces choses imaginables pour la tourner vers celles qui, privées de toute matière, sont intelligibles. Et en vérité, la conception que j'ai de l'esprit humain, comme chose pensante, sans étendue en longueur, largeur et profondeur et n'ayant rien en commun avec le corps, est bien plus distincte que l'idée de n'importe quelle chose corporelle. Et lorsque je me vois douter ou être une chose inachevée et dépendante, il se présente à moi l'idée tout à fait claire et distincte d'un être indépendant et achevé. Et de cela seul que cette idée est en moi, ou que j'existe ayant cette idée, je conclus clairement et sans aucun doute que Dieu existe, et que je dépends entièrement de lui à chaque instant de mon existence tout entière. Je crois qu'il n'y a rien de plus évident et de plus certain qui puisse être connu par l'esprit humain. Et déjà, il me semble que j'aperçois un chemin qui mènera de cette contemplation du vrai Dieu dans lequel tous les trésors des sciences et de la sagesse sont cachés, à la connaissance de toutes les autres choses. Car premièrement, je reconnais qu'il est impossible qu'il me trompe, car il y a de l'imperfection dans toute ruse et toute tromperie. Et bien qu'il semble que pouvoir tromper soit un signe de subtilité ou de force, vouloir tromper est un témoignage incontestable de méchanceté ou de faiblesse. Par conséquent, cela ne peut pas convenir à Dieu. Deuxièmement, j'expérimente en moi une certaine faculté de juger, que j'ai sans doute reçue de Dieu, comme tout le reste des choses qui est en moi. Et comme il ne veut pas me tromper, il est certain qu'il ne me l'a pas donné tel que je puisse me tromper lorsque je l'utiliserai correctement. Et il ne resterait aucun doute à ce sujet s'il semblait que l'on puisse en tirer comme conséquence que je ne me trompe jamais. Car si tout ce qui est en moi vient de Dieu et qu'il ne m'a pas donné la possibilité de me tromper, il semble que je ne peux jamais me tromper. Et en résumé, quand je pense seulement à Dieu et que tout se dirige vers lui, je ne remarque aucune cause d'erreur ou de fausseté. Mais ensuite, revenant vers moi, je m'éprouve sujet à d'innombrables erreurs. En recherchant leur cause, je remarque qu'il se présente à ma pensée non seulement l'idée réelle et positive de Dieu ou d'un être suprêmement parfait, mais aussi, pour parler ainsi, une certaine idée négative du néant, ou de ce qui est éloigné au dernier point de toutes les perfections. C'est comme si j'étais placé au milieu, entre Dieu et le néant, ou entre l'être suprême et le non-être. Ainsi, dans la mesure où je suis créé par un être suprême, rien n'est en moi par lequel je me trompe ou je suis induit en erreur. Mais dans la mesure où je participe d'une manière ou d'une autre du néant ou du non-être, c'est-à-dire dans la mesure où je ne suis pas moi-même l'être suprême et que beaucoup de choses me font défaut, il n'est pas réellement étonnant que je me trompe. Ainsi, je reconnais que l'erreur, en tant que telle, n'est pas une réalité qui dépende de Dieu. C'est seulement un manque. De là, il n'y a pas besoin pour faillir d'une quelconque faculté attribuée par Dieu dans ce but. Mais s'il m'arrive de me tromper, cela vient de ce que la faculté de juger le vrai que j'ai reçu de lui n'est pas infinie en moi. Toutefois, cela ne me satisfait pas complètement. Car l'erreur n'est pas pure négation, mais l'absence ou la privation de quelque connaissance qui devrait être en moi d'une façon ou d'une autre. Et en considérant la nature de Dieu, il ne me semble pas possible qu'il ait déposé en moi une quelconque faculté qui ne soit parfaite en son genre, ou qui soit privée d'une perfection qu'elle devrait avoir. Car s'il est vrai que plus l'artisan est expert, plus les œuvres qui en proviennent sont parfaites, qu'est-ce qui pourrait être réalisé par le Créateur suprême de toute chose qui ne soit totalement achevé en toutes ses parties? Il n'y a pas de doute que Dieu aurait pu me créer tel que je ne me trompe jamais, et il n'y a aucune raison non plus qu'il veut toujours le meilleur. Donc, est-ce qu'il est mieux pour moi de me tromper ou de ne jamais me tromper? En réfléchissant à cela très attentivement, il m'apparaît d'abord que je ne dois pas être étonné si je ne perçois pas pourquoi Dieu agit comme il le fait. Et ainsi, du fait qu'il peut m'arriver de faire l'expérience de nombreuses choses sans comprendre comment Dieu les a produites, je n'ai aucune raison de douter de son existence. Car en effet, sachant que ma nature est très faible et très limitée, et qu'au contraire celle de Dieu est immense, incompréhensible et infinie, je reconnais sans peine qu'il est capable de choses innombrables dont j'ignore les causes. et cette unique raison me suffit pour juger que toute recherche des causes finales ne sert à rien pour les choses physiques, car il ne me semble pas que je puisse, sans imprudence, chercher à découvrir les fins de Dieu. Il m'apparaît ensuite que si l'on recherche combien les ouvrages de Dieu sont parfaits, il ne faut pas considérer les créatures séparément, mais prendre en compte l'univers tout entier. En effet, ce qui est jugé peut-être à tort, très imparfait si cela existait seul, peut être jugé totalement parfait si l'on en tient compte comme une partie du monde. Et même si depuis que j'ai eu l'intention de douter de tout, je n'ai connu de façon certaine que mon existence et celle de Dieu, j'ai toutefois reconnu la puissance infinie de Dieu. Et je ne peux pas nier que beaucoup d'autres choses proviennent de lui, ou du moins pourraient en provenir, de façon à ce que j'existe comme une partie de la totalité des êtres. Ensuite, m'étudiant de plus près et découvrant quelles sont mes erreurs, qui prouvent à elles seules qu'il y a en moi de l'imperfection, je remarque qu'elles dépendent du concours de deux causes à la fois, de la faculté de connaître qui est en moi et de celle de choisir ou de mon libre arbitre, c'est-à-dire de mon entendement et de ma volonté réunies. Car, par l'entendement seul, je conçois seulement les idées sur lesquelles je peux porter un jugement sans qu'aucune erreur à proprement parler ne s'y rencontre. D'autant que des choses innombrables existent peut-être, dont je n'ai aucune idée, sans que j'en sois privé. Mais tout simplement, il n'est pas prévu dans ma nature de les avoir. Car en effet, je ne peux apporter aucune preuve pour estimer que Dieu doive m'accorder une plus grande faculté de connaître que celle qu'il m'a donnée. Et, aussi habile que je me représente cet artisan, je ne dois pas penser pour cela qu'il doive mettre dans chaque ouvrage particulier toutes les perfections qu'il peut mettre dans quelques-uns. Je ne peux vraiment pas me plaindre d'avoir reçu de Dieu un libre arbitre ou une volonté qui ne soit suffisamment grande et parfaite, car j'éprouve en moi qu'elle ne peut être contenue par aucune borne. Et ce qui me semble ici très remarquable, c'est qu'il n'y a rien en moi de si grand et de si parfait que je conçoive comme pouvant être plus grand et plus parfait. Car par exemple, si je considère la faculté de concevoir qui est en moi, je vois aussitôt qu'elle est toute petite et très limitée. Et en même temps, je me représente l'idée d'une autre faculté beaucoup plus grande, voire très grande et infinie. Et de cela seul que je peux la concevoir, je sais qu'elle appartient à la nature de Dieu. De même, si j'examine la faculté de me souvenir, ou d'imaginer, ou tout autre, je n'en trouve franchement aucune qui ne soit en moi infime et bornée, et qui ne soit immense en Dieu. Seule ma volonté, ou mon libre arbitre, faculté que je ressens si grande en moi que je n'en connais pas de plus grande, est la principale raison par laquelle je reconnais porter en moi l'image et la ressemblance de Dieu. Car bien qu'elle soit incomparablement plus grande en Dieu qu'en moi, soit en raison de la connaissance et de la puissance qui lui sont ajoutées et qui la rendent plus solide et plus efficace, soit en raison de l'objet, puisqu'elle s'étend à un plus grand nombre de choses, cependant, elle ne peut pas être considérée comme plus grande, prise formellement et absolument en elle-même. Car elle consiste seulement en ce que nous pouvons faire quelque chose ou ne pas le faire, c'est-à-dire affirmer ou nier, poursuivre ou fuir. Ou plutôt, seulement en ceci, que nous agissons de telle sorte que nous ne sentions aucune force qui nous contraigne pour affirmer ou nier, poursuivre ou suivre ce que l'entendement offre à l'esprit. En effet, pour être libre, il n'est pas nécessaire que je puisse me diriger d'un côté ou de l'autre. Mais au contraire, plus je penche vers un des deux, soit en raison du vrai ou du bien que j'y perçois avec évidence, soit que Dieu dispose ainsi le plus profond de ma pensée, plus je suis libre de le choisir. Et en vérité, la grâce divine et la connaissance naturelle n'affaiblissent jamais ma liberté, mais au contraire, elles l'augmentent et la fortifient. En outre, cette indifférence que je ressens lorsqu'aucune raison ne me pousse d'un côté plutôt que d'un autre est le plus bas degré de liberté, et ne montre aucune perfection de cette dernière, mais seulement un manque ou une négation de la connaissance. En effet, si je voyais toujours clairement ce qui est vrai et bien, je ne délibérerais jamais sur ce que je dois juger et choisir. Et ainsi, je pourrais être totalement libre sans jamais être indifférent. De là, je connais que la cause de mes erreurs n'est pas la puissance de vouloir, prise en elle-même, car effectivement, elle est immense et parfaite en son genre. Ce n'est pas non plus le pouvoir de concevoir, car tout ce que je conçois provient du pouvoir que Dieu m'a donné pour le faire. Et incontestablement, je conçois comme il faut, car il n'est pas possible que cela soit fait pour que je me trompe. Alors, d'où viennent mes erreurs? De cela seul en effet, que la volonté étant manifestement plus vaste que l'entendement, je ne la retiens pas dans les mêmes limites, mais je l'étends aussi aux choses que je ne comprends pas. Et la volonté, indifférente à ces choses, se détourne facilement du vrai et du bien. Ainsi, et je me trompe, et je pêche. Par exemple, lorsque je recherchais ces jours derniers, si quelque chose existait dans le monde, en remarquant qu'il était évident que j'existais par le simple fait que j'examinais cette question, il m'était impossible de ne pas juger vrai ce que je concevais si clairement. Non que j'aie été forcé à penser cela par une contrainte extérieure, mais cela était uniquement dû à une grande clarté de mon entendement suivie d'une grande inclination de ma volonté. Et je m'y fiais avec d'autant plus de liberté que j'y étais moins indifférent. Maintenant au contraire, non seulement je me connais en tant que je suis une chose qui pense, mais en outre, il se présente à moi une certaine idée de la nature corporelle. Il arrive alors que je me demande si la nature pensante qui est en moi, ou plutôt par laquelle je suis moi-même, est différente de cette nature corporelle, ou bien si elles sont toutes deux identiques. Et j'ajoute qu'aucune raison ne se présente à mon entendement qui me convainc de l'une plus que de l'autre. Bien entendu, il s'ensuit de cela qu'il m'est indifférent de l'affirmer ou de le nier, ou de m'abstenir d'en juger. Et qui plus est, cette indifférence ne s'étend pas seulement aux choses que l'entendement ignore totalement, mais d'une manière générale, à tout ce qui n'est pas connu avec suffisamment de clarté au moment où la volonté l'examine. En effet, si probable que soient les conjectures qui m'attirent d'un côté, le fait que je sache que ce ne sont que des conjectures et non des raisons certaines et indubitables suffit pour m'inciter à être d'avis contraire. J'en ai suffisamment fait l'expérience ces jours-ci lorsque j'ai supposé que tout ce que j'avais d'abord affirmé comme le plus vrai était totalement faux pour la seule raison que je m'étais aperçu que l'on pouvait en douter d'une façon ou d'une autre. En effet, si je m'abstiens de porter un jugement lorsqu'une chose est vraie, et que je ne l'aperçois pas avec suffisamment de clarté et de distinction, il est clair que je fais bien et que je ne suis pas trompé. Mais si je l'affirme ou la rejette, alors j'utilise mal mon libre arbitre. Et si je me tourne vers la mauvaise direction, en ce cas, je me trompe totalement. Mais si je soutiens autre chose et que je tombe par hasard sur la vérité, je n'en suis pas moins fautif, car il est manifeste à la lumière naturelle que la connaissance de l'entendement doit toujours précéder la détermination de la volonté. La privation qui détermine la forme de l'erreur se trouve dans le mauvais usage du libre arbitre. La privation, dis-je, se trouve dans cette opération en tant qu'elle provient de moi, mais non dans la faculté que j'ai reçue de Dieu, ni dans l'opération même en tant qu'elle dépend de lui. Et vraiment, je n'ai aucune raison de me plaindre de ce que Dieu ne m'a pas donné une faculté de concevoir ou une lumière naturelle plus grande que celle que j'ai reçue. En effet, il appartient à l'entendement fini de ne pas comprendre de nombreuses choses, et il appartient à l'entendement créé d'être fini. Au contraire, j'ai des raisons de le remercier pour ce qu'il m'a donné, car il ne m'a jamais rien dû. Et en outre, je ne considère pas avoir été privé de ce qu'il ne m'a pas donné, ni qu'il me l'ait enlevé. Je n'ai pas non plus de raison de me plaindre du fait que la volonté qu'il m'a donnée soit plus grande que l'entendement. En effet, la volonté consiste autant en une chose unique qu'indivisible, et il ne me semble pas que l'on puisse en soustraire une partie sans la détruire. Et bien entendu, plus elle est grande, plus je dois remercier celui qui me l'a donnée. Enfin, je ne dois pas non plus me plaindre de ce que Dieu collabore avec moi pour former les actes de cette volonté, c'est-à-dire les jugements dans lesquels je me trompe. Car ces actes sont absolument justes et bons en tant qu'ils dépendent de Dieu. Et d'une certaine manière, il y a plus de perfection en moi si je peux les former que si je ne le pouvais pas. À propos de la privation, dans laquelle consiste seulement la cause formelle de l'erreur et du péché, nul besoin de la collaboration de Dieu puisque cette privation n'est rien, et que rapportée à Dieu, elle ne doit pas être nommée privation, mais négation. Car en vérité, que Dieu m'ait donné la liberté de nier ou d'attester les choses que mon esprit ne perçoit pas clairement et distinctement n'est pas en lui une imperfection. Mais, incontestablement, c'est une imperfection en moi de ne pas bien utiliser cette liberté et de porter un jugement sur ce que je ne conçois pas correctement. Je vois pourtant qu'il était facile pour Dieu de faire que je ne me trompasse jamais, tout en restant libre avec un savoir borné. Soit en donnant à mon entendement une connaissance claire et distincte de tout ce dont je devais prendre parti, soit en gravant solidement dans ma mémoire, pour que je ne puisse jamais l'oublier, de ne jamais juger d'aucune chose sans en avoir une conception claire et distincte. Et j'admets sans conteste que dans la mesure où je prends tout cela en compte, j'aurais été meilleur que je ne le suis si j'avais été semblable à Dieu. Mais je ne peux pas pour cela contester que d'une certaine manière, ce ne soit une plus grande perfection dans l'univers entier que certaines de ses parties ne soient pas exemptes d'erreurs et soient vraiment différentes que si elles avaient été toutes semblables. Et je n'ai aucun droit de me plaindre de ce que Dieu ait voulu m'attribuer un rôle dans le monde qui ne soit pas le premier ni le plus parfait. En outre, si je ne peux pas éviter l'erreur par ce premier moyen qui repose sur la connaissance évidente de tout ce dont je délibère, je pense au moins avoir cet autre qui repose seulement sur ceci, que je suis résolu à m'abstenir de porter un jugement toutes les fois que la vérité d'une chose n'est pas claire. Car bien que je ressente en moi cette faiblesse, telle que je ne puisse pas toujours rester attaché à la même pensée, je peux toutefois, par une méditation attentive et souvent répétée, faire que je m'en souvienne à chaque fois que cela est utile, et acquérir ainsi l'habitude de ne pas me tromper. Et comme c'est en cela que consiste la plus grande et la principale perfection de l'homme, j'estime n'avoir pas peu gagné par la méditation d'aujourd'hui en découvrant la cause des faussetés et des erreurs. Et sans doute, il ne peut pas y en avoir d'autre que celle que j'ai dégagée, car toutes les fois que je retiens ma volonté à porter un jugement, et qu'elle ne s'étend qu'aux choses qui apparaissent clairement et distinctement à mon entendement, il ne peut pas arriver que je me trompe. Car toutes les conceptions claires et distinctes sont indéniablement quelque chose, et ne peuvent donc pas provenir du néant, mais elles ont nécessairement Dieu pour auteur. Ceci est incontestablement vrai, car Dieu, dis-je, étant parfait au plus haut degré, est inconciliable avec l'erreur. Et je n'ai pas seulement appris aujourd'hui ce qu'il faut éviter pour ne jamais me tromper, mais aussi en même temps ce que je dois faire pour atteindre la vérité. Car j'y parviendrai certainement si je m'applique suffisamment à toutes les choses que je comprends parfaitement, et si je les sépare de ce que je ne saisis qu'avec confusion et obscurité. Dorénavant, je m'y appliquerai soigneusement.